Chapitre 2. Une vie charmante et libre commença pour Jeanne. Elle lisait, rêvait et vagabondait toute seule aux environs. Elle errait à pas lents le long des routes, l'esprit parti dans les rêves. Ou bien, elle descendait, en gambadant, les petites vallées tortueuses dont les deux croupes portaient, comme une chape d'or, une toison de fleurs d'ajonc. Leur odeur forte et douce, exaspérée par la chaleur, la grisait à la façon d'un vin parfumé. Et, au bout lointain des vagues, roulant sur une plage, une houle berçait son esprit. Une mollesse, parfois, la faisait s'étendre sur l'herbe drue d'une pente. Et parfois, lorsqu'elle apercevait tour à tour au détour du val, dans un entonnoir de gazon, un triangle de mer bleue, étincelante au soleil avec une voile à l'horizon, il lui venait des joies désordonnées, comme l'approche mystérieuse de bonheur planant sur elle. Un amour de la solitude l'envahissait dans la douceur de ce frais pays et dans le calme des horizons arrondis. Et elle restait si longtemps assise sur le sommet des collines que des petits lapins sauvages passaient en bondissant à ses pieds. Elle se mettait souvent à courir sur la falaise, fouettée par l'air léger des côtes, toute vibrante d'une jouissance exquise à se mouvoir, sans fatigue, comme les poissons dans l'eau ou les hirondelles dans l'air. Elle semait partout des souvenirs comme on jette des graines en terre, de ces souvenirs dont les racines tiennent jusqu'à la mort. Il lui semblait qu'elle jetait un peu de son cœur à tous les plis de ses vallons. Elle se mit à prendre des bains avec passion. Elle nageait à perte de vue, étant forte et hardie et sans conscience du danger. Elle se sentait bien dans cette eau froide, limpide et bleue qui la portait en la balançant. Lorsqu'elle était loin du rivage, elle se mettait sur le dos, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux perdus dans l'azur profond du ciel que traversait vite un vol d'hirondelles ou la silhouette blanche d'un oiseau de mer. On n'entendait plus aucun bruit que le murmure éloigné du flot contre le galet et une vague rumeur de la terre glissant encore sur les ondulations des vagues, mais confuse, presque insaisissable. Et puis, Jeanne se redressait et, dans un affolement de joie, poussait des cris aigus en battant l'eau de ses deux mains. Quelquefois, quand elle s'aventurait trop loin, une barque venait la chercher. Elle rentrait au château, pâle de faim, mais légère, alerte, du sourire à la lèvre et du bonheur plein les yeux.